Nipo ndani ya popete Nyesengula nekona mangea Babinika Bamende pesa Sita Natia na beni nyongalunge Sunu ibamba Natia na beni nyongalunge Sunu ibamba Nyesenga so Natia na beni nyongalunge sono ibamba Natia na beni nyongalunge sono itobomba Mambo mani niwase matutimba Tobe toti bina to toti senomba Nenongi mo iwi Ebola mine nyimba mwena Anya wapio Ebola mimo nebo wele makumba Paris gauche d'appareil en prudent, Mac Price au bon entonner. Oh, one no non, Didi Papa na calatrié, one mana, oh ma bonne marine, l'en no boulin, t'es wenge. T'es gana wassé, le dino pongo nandando, on y poule en bas, pour y a mon anyango, aïe oh, aïe oh, Ebola mi teye mba mwenye Anya wa miwo Ebola mi monte mwele mba kumbaye Ne se te sokumbe lolo Rien ne m'est important ici bas Rien que mon travail Cela se sait Boke boke Boke Banda toutou Banda Boke boke Boke Banda toutou Tomele Mele banda Banda Banda Ale jere wa senga Tere kelke ayo E banya la nonga la mie Na itu benae Oh moi je suis parfait Banadi Willy Mbappé Ambo Lolita Rabia Na ime ne kanadi na la moche Nyangwam Oh ben moi je jure Je ne vais jamais je reçu la tere kelke ayo Oh ben moi je sais Banadi na longue la mort Danser Mou, mou, mou, t'aime, mou, t'aime, mou, t'aime